Le porte-parole du comité de coordination d'État de la République populaire démocratique de Corée pour la prévention du blanchiment d'argent et de la sponsorisation du terrorisme a donné sa réponse le 26 courant à l'Agence télégraphique centrale de Corée relativement à ce que les États-Unis et leurs suivistes entraînent jusqu'à une institution internationale de contrôle financier à la fomentation d'un climat d'embargo financier contre la Corée. Il indique comme ce qui suit. Lors d'une session plénière du groupe d'action financière sur la prévention du blanchiment d'argent, Organisation internationale de contrôle financier tenue à Paris du 19 au 21 courant, a été adoptée de nouveau une déclaration publique désignant notre République comme objet de contre-mesure. Cette déclaration est pénétrée d'un bout à l'autre de l'hostilité envers notre République et nous l'accusons catégoriquement d'une machination des États-Unis et de leurs satellites pour la sanction et la suppression de notre République. Chose sérieuse, c'est que les États-Unis et leurs suivistes se moquent de l'universalité et de l'équité des activités de l'organisation pour imposer aux pays membres les résolutions de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée comme critère international. Les résolutions en question sont illégales et des produits des actes criminels contre l'humanité et contre les droits de l'homme, car elles méprisent la Charte des Nations Unies et les règlements du droit international et portent atteinte à la souveraineté et au droit à l'existence de l'État souverain. Partant de la position invariable contre le blanchiment d'argent et la sponsorisation du terrorisme et de la prolifération des armes d'extermination massive, nous avons pris presque toutes les mesures pratiques dictées par le critère international en collaboration étroite avec le groupe pour la prévention du blanchiment d'argent d'Asie-Pacifique, comme l'adoption de la loi contre le blanchiment d'argent et la sponsorisation du terrorisme, la révision du droit pénal et l'amélioration de la responsabilité et du rôle des organes de renseignement et de contrôle financier. Et nous avons présenté chaque année les rapports en la matière à l'Organisation internationale de contrôle financier, tout en remplissant notre responsabilité. Toutefois, la session plénière de l'organisation, sans proférer un mot sur nos efforts sincères pour l'application du critère international, a adopté la déclaration en question, ce qui a révélé qu'elle est employée dans le but politique des États-Unis et des forces d'hostilité visant à établir un réseau de blocus financier international contre notre République. Face à la situation, nous prendrons aussi des contre-mesures.